C'est bien pour tes pays. Fais ça qui ca plaît vous et puis laissez la vie rouler. Fais ça qui ca plaît vous, pas déranger personne. Toujours fais ça qui ca plaît vous et puis mener la vie. J'avoue ça qui ni, ma chaleur est courant, soleil j'ai qu'à chauffer, et t'es un affaire à où ça s'arrête à l'exilé. Pour qui raison, là où piti oui, quand vous plairez, avant vous comprendre. Pour qui raison, là où piti oui, quand y'a pas de vous, pour vous faire comprendre. Symphonie.